vrai qu'on tease, on fume mais ça on kiffe le faire. Évite le disenfer mais reste fier mon frère. C'est juste un écrit sans thème, y'a pas de prise de tête. J'pousse les traîtres dans la tombe et pose des chrysanthèmes. C'est vrai qu'on tease, on fume mais ça on kiffe le faire. Évite le disenfer mais reste fier mon frère. J'suis pas là pour faire le comique, j'ai pas l'humour à Jim Carrey. Tu sais bien que devant le chromie j'ai le style et la rime carrée. On s'en tape de ta carrure, on a tous l'instinct bagarreur. En bas des tours on a R et c'est pour ça que j'rappe la hure. J'ai un sens, ouais. Comme Sania Bakari, alors je tente ma chance car y'a pas taf à part chariste. Y'a pas qu'à Paris que dans le rap y'a du gabarit, non. Les frames MC seront rares comme une bouche qui a pas de carie. Et t'inquiète pas, j'arrive à grand pas sur le beat. Va te mettre à l'abri car c'est du bon rap à les beats. Nous on s'écoute dans les caisses, dans les caisses et dans les téléphones. Dédicace au gars du check, t'inquiète, j'ai pas zappé les fans. Latte un peu mes phases d'attaque, j'compte fournir un disque au top. C'est d'entier car contrainte, mais pas en discothèque. Accro à la thune, on a commencé le bistrot tôt. Accro à l'alcool, c'est grâce à nous que les bistrot tournent. C'est juste un écrit sans thème, y'a pas de prise de tête. J'pousse les traîtres dans la tombe et pose des chrysanthèmes. C'est vrai qu'on tease, on fume mais ça en kiffe le faire. Évite le disenfer mais reste fier mon frère. C'est juste un écrit sans thème, y'a pas de prise de tête. J'pousse les traîtres dans la tombe et pose des chrysanthèmes. C'est vrai qu'on tease, on fume mais ça en kiffe le faire. Évite le disenfer mais reste fier mon frère. La vie n'est pas un jeu mais beaucoup sont voués à l'échec. Mat, ça parle que d'espèces, carte bleue et de chèques. Man, dans le monde du vice, le chétin tient les manettes. T'auras pas d'échec et mat, t'es perdant au final, mec, la rue n'est pas fidèle. Elle en a baisé plus d'un. C'est pour ça que je me mets fidèle, car dans le fond c'est qu'une putain. Ouais, avec les frères, à part les bûches, c'est les coups de cancer. Et y'a celui qui fume sa vie mais meurt pas du cancer. La thune se compte, contrairement à l'espérance de vie. Là tu te trompes, si tu penses qu'on n'a pas de prise de risque. Attends l'album et tu me verras dans le bis de 10. C'est pour les gars des Hulk et Blo, entre Mollard et Flaque de Pi. J'parle de tout, j'parle de rue car c'est là que j'ai vécu. Gitano dans les veines, bien trop fier pour vous lécher le cul. Je cherche la brèche et tu voudrais m'en empêcher. Mais dans la tête, les stupes cherchent à tous nous pêcher. Juste un écrit sans thème, y'a pas de prise de tête. J'pousse les traîtres dans la tombe et pose des chrysanthèmes. C'est vrai qu'on tease, on fume mais ça en kiffe le faire. Évite le disenfer mais reste fier mon frère. C'est juste un écrit sans thème, y'a pas de prise de tête. J'pousse les traîtres dans la tombe et pose des chrysanthèmes. C'est vrai qu'on tease, on fume mais ça en kiffe le faire. Évite le disenfer mais reste fier mon frère. Ils disent que le rap est mort, laisse-moi deux minutes que j'opère le mic. Viens pas me casser les couilles, maman, moi j'suis bien dans ma paire de Nike. Ce soir il pleut des rimes, ouais. Sortez les imperméables, tellement la dalle au mic que je peux poser des 16 interminables. Pas d'expert comptable, mais l'oseille, on sait la compter. Y'a trop d'MC qui valent que dalle, mais qui osent se le raconter. Moi je viens pour creuser l'écart, l'aiguille à 2,30 sur le compteur. Le son à fond dans l'écouteur, j'affronte la vie et ses coups durs. L'argent t'en gagne, t'en perds, les gens te poussent à ta perte. Pense à relever la tête, surtout en cas de tempête. Je veux la victoire, pas la défaite, t'es un mytho par là, mes fesses. Tu veux du lourd, voilà les vrais, la barre est plus haute que l'Everest. Quand on perd, tu la fermes, car on t'a dit te taire. Hein. T'inquiète, je vais faire l'affaire comme Totti sur le terrain. Ici la panthérette, je suis candidat pour la témoin. J'écris à Jean Oumred, mon gros pilon en est témoin.